Alors, cet après-midi, on va poursuivre les travaux de ce colloque avec deux sessions, des sessions qui nous feront aller de l'exotisme à l'interdit, donc tout un programme. Donc, on va déjà poursuivre la session 5 avec Denis Saillard, qui nous parlera de l'exotisme gastronomique à l'exposition de la France de l'Est. Et puis ensuite, on terminera l'après-midi avec une session 6 qui concernera un thème qui s'appelle de la promotion à l'interdit. Alors je rappelle aussi que Denis Saillard et Didier Francfort ont une actualité de publication qui est directement liée au colloque, puisque est sorti un ouvrage qui s'appelle « Le goût des autres », je dis le titre exactement, « De l'expérience de l'altérité gastronomique à l'appropriation » et qui vient de sortir en 2015. Donc je laisse la parole à Denis Saillard. Merci beaucoup. Alors cette exposition de la France de l'Est a déjà été bien étudiée, pas pour l'exotisme gastronomique, mais je pense qu'il y a des images que vous connaissez déjà, donc les affiches de l'exposition même, des cartes postales, je vous en passe quelques-unes comme cela. Cette exposition de l'Est de la France réunissait beaucoup plus que les départements lorrains, hein, une douzaine de départements effectivement de l'Est de la France, mais cet Est de la France amputé, bien entendu, de l'Alsace-Moselle. Et cet ouvrage auquel je fais allusion, c'est celui-ci, hein, paru en 2008 aux éditions Place Stanislas, qui sont des éditions presque créées pour ce livre. Enfin, ce n'est pas un éditeur, disons, très très stable, mais très très bien illustré. Donc, je vais être loin de vous passer toutes les images de ce livre. J'ai plutôt choisi des images qui ne sont pas dans ce livre pour être un peu plus original et puis surtout apporter bien sûr quelque chose. Cette exposition, c'est une petite parenthèse avant de vraiment commencer sur l'alimentation, a été très très médiatisée, c'est un peu là-dessus que je travaille, hein, la médiatisation, la médiation de tout ce qui est gastronomique, avec même un pavillon, hein, du journal de l'exposition. Et ça me donne l'occasion de vous dire qu'il y a à peu près 500 journalistes de France, de Navarre et étrangers qui sont venus, pas pendant tous les mois de l'exposition, mais enfin au moins pendant quelques jours, pour ensuite faire des articles sur l'exposition de Nancy, donc une forte médiatisation pour une exposition, on va dire, de province, hein, mais pas n'importe quelle province, bien entendu. Alors des guides officiels avec de la publicité pour la ville thermale de Martigny, encore d'autres affiches vantant tout ce qui était aérostation, aéronautique, le village alsacien. Et effectivement, ce qui est souvent déterminé comme le clou, je mets des guillemets, hein, le clou de l'exposition, là, à l'entrée même de l'exposition, donc du côté du parc Sainte-Marie à Nancy, c'est cette reconstitution d'un village alsacien avec même l'une des maisons, hein, qui était démontée en Alsace et remontée avec un transport, je crois, avec 14 wagons, hein, qui sont venus pour remonter le pavillon. Donc c'est par là qu'on entre. Et ça, ce sont bien sûr les images les plus connues de cette exposition, l'Est de la France. Donc une exposition pour vanter les productions de ces départements de l'Est et aussi la culture, hein, de l'Est de la France. Mais attention, hein, je ne veux pas du tout vous dire que la promotion des produits exotiques était un thème principal de l'exposition. Bien entendu, non, c'est un thème secondaire, mais qui n'a pas été, comme il était secondaire, hein, n'a pas été tellement étudié. Or, quand on regarde ensuite les réactions des visiteurs, bien sûr, ils vont beaucoup parler du village alsacien, mais en fait, tout ce qui était un peu exotique, je reviendrai tout à l'heure sur la définition, les a beaucoup intéressés. Donc c'était secondaire dans l'esprit des organisateurs. C'est secondaire quand on regarde les catalogues de l'exposition. Il y en a 900 pages. L'exotisme, entre guillemets, ne fait qu'une partie. Hein, je ne sais pas, je vais peut-être dire 10% seulement. Mais peut-être qu'ensuite, dans la réaction des visiteurs, ce qui était justement inhabituel, étranger, entre guillemets, exotique, mais donc exotique, c'est pas seulement les produits tropicaux, c'est en fait tout ce qui est pas habituel, hein, tout ce qui est autre, eh bien, cet exotisme a peut-être parfois marqué profondément l'esprit de ces dizaines de milliers de visiteurs qui sont venus donc à Nancy. Il y a une poste donc dans le village alsacien, etc., etc. Je vous montre quelques images quand même pour bien quand même ancrer. Hein. Je n'oublie pas que le thème principal n'était pas évidemment l'exotisme gastronomique. Cela dit, vous voyez, la gastronomie dans le village alsacien, ce n'est pas du tout quelque chose qui est oublié. On voit très, très bien ça, c'est une affiche très connue hein, de Charles Spendler, alsacien lui-même. Et l'alliance, toujours, ça je dis ça pour Didier Francfort, l'alliance très très fréquente dans les fêtes de la gastronomie et de la musique, hein, ce qui fait qu'on a beaucoup de choses. Voilà donc toujours le côté, disons, traditionnel, alsacien, lorrain, la France de l'Est. D'accord. Alors on entre à l'exposition, voilà, avec cet art très particulier de 1909, qui se rattache plus ou moins, ça dépend des pavillons et des décorations, à l'art nouveau. Et en voici une autre. Et un autre palais dans cette exposition, voilà. Alors, quelques-unes de mes photographies. Voilà le palais de l'alimentation que vous avez vu en première diapositive, qui est ici à gauche. C'est la zone aujourd'hui de Nancy Thermale, hein, donc la rue ou le boulevard Blandan, la rue Blandan. Rue Blandan, voilà. Donc, ce pavillon de l'alimentation était quand même un des grands pavillons, pas le principal, vous voyez, il y avait plus grand juste à côté, hein, autour de l'électricité, des machines, des choses comme ça. Enfin, le pavillon de l'alimentation était loin d'être négligeable dans cette exposition. Voilà, donc je le resitue un petit peu donc géographiquement. Alors, voici donc l'alimentation. Dans ce palais de l'alimentation, les productions locales, donc des départements qui faisaient partie dans la définition des départements de l'Est, et donc peu de choses sur l'exotisme. On va surtout avoir donc les brasseries, des choses comme ça. Voilà la même photographie colorisée. C'est la même mais colorisée. Voilà le détail. Donc vous voyez du matériel, même technique, hein, très technique. On est quand même dans un département très très industriel. On est dans la deuxième révolution industrielle. Voilà la brasserie. On a par exemple des produits dans ce pavillon de l'alimentation, les salines, hein, les salines de Rosières. Oui, je l'ai pas dit. Donc certaines de mes photos ne sont pas de très bonne qualité parce que je les ai directement reprises dans un livre en fait hein, de 1909, donc les photos noir et blanc sont déjà pas très bonnes, mais les photos originales, si vous voulez, c'était un peu compliqué pour moi pour avoir les photos originales, donc comme elles sont pas très connues, je préfère quand même vous montrer quelque chose qui est pas de très bonne qualité, mais enfin qui est relativement méconnu. Voilà, il y avait aussi une ferme, hein, une ferme lorraine avec tout le matériel et puis une laiterie à l'intérieur, ce qui fait qu'une des boissons proposées à l'exposition était le lait en fait de la ferme produit, on va dire, sur place. Donc rien de très exotique pour l'instant. Vous voyez, il y avait aussi pas mal de choses autour des grains. N'oublions pas que Villegrain, à l'époque, en 1909, Charles Villegrain, si je ne me trompe pas, hein, était président de la Chambre de commerce qui avait un pavillon. Encore une fois, la photo n'est pas très bonne, excusez-moi, mais avait un pavillon assez art nouveau à l'intérieur, en tout cas. Il y avait aussi un pavillon des magasins réunis où on avait la reconstitution de ce qui passait à l'époque pour une maison moderne, et y compris donc la cuisine. Alors là, on ne voit pas très très bien, vous voyez, c'est presque des ombres chinoises, mais pour là, nouveau, moderne, mais pour l'instant, rien d'exotique. Et puis, dans cette exposition, des fêtes franco-britanniques, comme ici, hein, avec la presse anglaise invitée, des fêtes franco-belges, etc., etc. Et puis, les produits locaux, hein, la champagne était dans cette France de l'Est, parce qu'il n'y avait pas seulement les pavillons, il y avait aussi des défilés. Hein. Donc, on a aussi, bien sûr, les productions locales. Je ne voudrais surtout pas qu'on oublie, c'est pour ça que j'en parle en premier. Après, vous doutez bien que je vais évacuer cette production, mais ne pensez pas hein, que je l'oublie. C'était vraiment une des parties principales avec vous voyez, la fête de la vigne et du houblon. Donc, production locale, absolument pas exotique. Voilà. Donc, avec du folklore, les costumes, etc. Et puis, le public le jeune, hein, les enfants, avec aussi une dinette. Et là, je pense que la dinette n'était pas du tout des produits exotiques. Quand on regarde un peu des stands de prêt maintenant, hein, les stands de vin, là, plutôt des vins lorrains, hein, encore de très nombreux vins lorrains en 1909, beaucoup plus qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui ça repart, et même ça repart avec un vignoble vraiment de qualité. Mais quand on regarde déjà un peu dans le détail les productions, il n'y a pas seulement des vins français. Hein. Donc voilà, et puis l'exotisme commence dans un petit peu en dehors de l'alimentation, par exemple, hein, les chapeaux de paille hein, étaient un une des spécialités de Nancy, de fabrication de Nancy. Donc l'exotisme arrive, voilà. Et cet exotisme, je vais me servir d'un livre écrit par Alain Barrault, hein, vous connaissez peut-être ce livre. Donc la spécialité, une des spécialités alimentaires de Nancy, en tout cas à partir de la fin du 19e siècle, ce sont les bergamotes. Donc je dis bien à partir de la fin du 19e siècle, c'est très très très récent. C'est d'ailleurs un juif de Nancy originaire d'Allemagne, hein, qui a immigré depuis l'Allemagne, qui a fondé en fait ces bergamotes. Et les bergamotes, comme vous le voyez sur l'image, qui est très belle époque, la bergamote, comme vous savez tous, hein, c'est une variété de citron. Et les Nancéens venaient importer le citron du sud de l'Italie. Donc la spécialité de Nancy est en fait exotique. Vous voyez, et c'est une spécialité en fait extrêmement récente, comme d'ailleurs, je généralise un petit peu ici, comme beaucoup, beaucoup de spécialités pâtissières, confiseries de France. En fait, on se rend compte que malgré un discours qui veut enraciner très, très loin dans le passé, eh bien, ces spécialités ont une origine historique relativement proche. Voilà, cette origine d'ailleurs était dans la quatrième de couverture du livre. Mais alors la bergamote, on la trouve dans l'exposition de 1909, en particulier dans les publicités de l'époque. Vous voyez, c'est bien une des spécialités de Nancy, hein, aux côtés d'autres, hein, comme les macarons. Bergamote de Nancy, mais quand on sait exactement ce que c'est que la bergamote, ça devient bien sûr un produit local, mais avec une origine exotique. Au bout d'un moment, évidemment, l'exotisme s'atténue. La même source avec, vous voyez, les vins dont je vous disais tout à l'heure, hein, vin du Midi, d'Algérie, je sais bien que c'est une colonie française, mais elle est quand même exotique, l'Espagne, etc. Et puis on voit par exemple des cakes anglais, avec sans doute aussi des produits qui viennent des colonies anglaises, les Indes, etc., etc. Dans les pavillons, les petits pavillons, on va dire, de l'exposition de 1909, les pavillons, on va dire, pour de restauration, hein, on pouvait même... faut toujours penser, quand on organise une exposition, il y a des restaurants, d'accord, mais il y a aussi des petits stands. Et la moitié des stands, en fait, de cette exposition propose des produits, alors là, carrément exotiques. Alors vous allez me dire, oh, le planteur de Caïfa, c'est surtout du café, des choses comme ça. C'est pas très exotique. Oui, bien sûr, en 2015, même peut-être même déjà dans l'entre-deux-guerres, ça paraît moins exotique. En 1909, le café, la consommation de café est déjà assez importante en France, mais là, on propose aux planteurs de Caïfa des variétés de café. Bien souvent, c'est la première fois que les visiteurs de l'exposition peuvent goûter à ce type de café. Bon, il y a aussi d'autres, il y a aussi des liqueurs, hein, aux planteurs de Caïfa, il y a d'autres... c'est une maison assez importante, hein, le planteur de Caïfa, qui a des succursales dans toute la France et qui a des stands quasiment dans toutes les expositions de cette époque-là, fin 19e, début 20e, en France et aussi parfois dans les expositions de l'étranger. Alors vous voyez, on ne fait pas que de vendre un produit, par exemple du café dans des paquets ou des boîtes. Il y a aussi donc une dégustation, enfin une terrasse de... du planteur de Caïfa. J'aime beaucoup c'est très à la mode actuellement, le drapeau tricolore, donc le monogramme de la République. On en voit ici une carte postale, hein, on voit très très bien ici à gauche cette terrasse, on va dire, de la buvette, hein, du café et de la boutique du planteur de Caïfa. Donc là on est bien sûr dans le parc Sainte-Marie. Autre exemple, hein, les confitures pas forcément exotiques, même en général pas exotique, mais encore une fois des cafés, hein, d'un négociant et d'un détaillant nancéen, Robardel. Si on regarde même le village alsacien, et là on peut dire qu'il y a une appropriation du produit exotique, là encore une fois vous allez me dire le chocolat, là, vous exagérez, produit exotique, le chocolat, ben oui, parce que même en 1909, la consommation de chocolat, on va dire pour les classes moyennes et surtout les classes populaires, reste quelque chose de relativement exceptionnel. Et là, donc, au cœur même du village alsacien, les organisateurs ont installé, on peut dire, entre guillemets, une fabrique de chocolat. Donc, les visiteurs peuvent voir comment il y a une ligne de fabrication du chocolat pour des pastilles et des tablettes. Hein. Et il est donc, on va dire, lorrainisé, hein, le chocolat lorrain, mais bien entendu, c'est un produit à la base, le cacao, qui vient des pays tropicaux et en particulier de certaines colonies de l'AOF et AEF. Alors j'y viens à ces colonies françaises. Il y a, officiellement, il y a trois colonies françaises qui participent au pavillon colonial. Il y a l'AOF, Afrique occidentale française, l'AEF équatoriale et l'Algérie, hein, donc, les responsables, bien sûr, qui sont français, sont chargés de remplir ce pavillon colonial. On le voit pas très bien sur ma photographie là, qui est de style mauresque, c'est assez traditionnel à cette époque-là. Quand on veut représenter des colonies de manière architecturale, on prend un peu ce style soi-disant d'Afrique du Nord ou d'Orient, l'Orient dans le sens très très large, quasiment pris par le romantisme. Qu'est-ce qu'on voit dans ce pavillon colonial? Beaucoup de maquettes de navires, c'est les compagnies maritimes. Donc on a bien cet exotisme qui est suggéré par... On ne peut pas prendre le bateau et traverser l'océan Atlantique ou la Méditerranée depuis Nancy, mais bon, voilà, il y a une évocation avec le bateau. Et en plus du pavillon colonial, il y a également donc un pavillon tunisien qui ne fait pas partie du pavillon colonial, avec une reconstitution d'un bazar. Donc c'est pas seulement alimentaire, il y a des tapis, des produits de l'artisanat tunisien, ce qu'on appelle donc la maison de Jamal. Mais je n'ai pas le temps de prendre mes notes et de vous citer la phrase, mais je pense que vous me faites confiance. C'est un des pavillons qui a le plus de succès lors de cette grande expo 1909, donc ce qu'on appelle le café mort dans les sources, alors que là, vous voyez, on voit bien un grand café tunisien, mais dans les sources de la presse, il est souvent donc désigné sous le nom de café mort. Il y a plusieurs témoignages de journalistes et même de visiteurs, pas lambda, c'est pas les classes populaires qui écrivent dans les journaux, mais comme quoi le café mort était vraiment une des attractions principales, et donc sans doute la découverte, peut-être pas la première fois du café par tous les visiteurs, sans doute pas, mais de certaines variétés de café, ça c'est sûr. Et avec l'influence, peut-être ensuite, une fois que l'exposition est fermée, de vouloir s'approvisionner, de trouver à nouveau ce café dans Nancy, ou peut-être ceux qui allaient à Paris, pour continuer l'expérience qu'ils avaient eue lors de l'exposition de 1909. Alors le stand de l'Algérie, alors vraiment la photographie est très mauvaise, le stand de l'Algérie, il y avait plutôt de l'artisanat, n'empêche qu'il y avait quand même les vins d'Algérie que j'ai déjà cités tout à l'heure. Même chose pour la Tunisie, et là quand même sur la photographie, même si elle n'est pas très très nette, on voit les bouteilles sur la droite. Donc grosse promotion, et puis c'est un petit peu suggéré ici pour ce qui est au mur, il y avait pas mal dans le pavillon colonial, à peu près une bonne partie des colonies françaises, un petit peu des tableaux scolaires, vous savez, les tableaux qu'on avait ensuite dans les écoles, qui détaillaient les productions des colonies françaises, de nos colonies, comme on disait à l'époque. Et donc, il y avait beaucoup, beaucoup de produits alimentaires, du riz, du manioc, du thé, etc. Même si ces produits n'étaient pas toujours physiquement présents et à la vente et à la dégustation, donc, dans l'exposition. Et puis, avant de passer à ma conclusion, je voulais un petit peu insister donc sur le village sénégalais, puisque là, vous voyez, ce n'est pas le pavillon colonial, ce n'est pas le café mort, ce n'est pas le pavillon tunisien, c'est carrément donc ce que récemment, beaucoup d'historiens ont stigmatisé de manière extrêmement négative, c'est-à-dire ce qu'on appelait les os humains, puisque... ce qui était exposé, ce n'était pas seulement des produits d'artisanat ou des produits alimentaires exotiques, c'était carrément des êtres humains. C'est-à-dire qu'on reconstituait la vie, soi-disant, dans un village sénégalais, ici on le voit très très nettement, avec la cuisine. Et dans les textes qui sont beaucoup plus précis, surtout ceux des journaux, les journalistes sont assez disert sur le village sénégalais, c'est quand même une grande attraction, et même... une des attractions principales de l'exposition, qui est d'ailleurs tout ou près du géographiquement dans l'expo, dans le parc Sainte-Marie, quasiment en face du village alsacien, un tout petit peu masqué par quelques taillis, mais presque à l'entrée aussi, on le voit moins quand on entre, on le voyait moins directement, mais il était vraiment tout près du village alsacien. Et donc là, on voit par exemple des femmes qui pilent le millet, des choses comme ça. Et ensuite, on voyait également comment elles faisaient la cuisine. Donc, ce qui n'est pas ici détaillé par l'image, je n'ai pas trouvé d'image de l'opération, vraiment de la pratique culinaire. Là, on a, disons, la pré-préparation. Et ce que je voulais vous dire, oui, c'est que ce village sénégalais, qui avait un droit d'entrée spécifique, donc il y a un billet, etc., donc on connaît le nombre d'entrées exactes, a fait un bénéfice incroyable. Je ne vais pas vous citer le chiffre, parce qu'en plus, la monnaie, enfin, on peut convertir, évidemment, mais il a eu donc énormément de visiteurs, et une curiosité évidente pour cet exotisme vivant. Et dans ce village sénégalais, donc, il y avait les tam-tams, on cite toujours les tam-tams, la musique, etc. Et donc, ça faisait beaucoup de bruit. Il y a d'ailleurs pas mal de commentaires dans la presse, un petit peu, un peu péjoratif. On se moque un peu de cette musique, entre guillemets, primitive. Mais la cuisine était vraiment également vraiment au centre. Voilà une autre. Là, c'est du village tunisien, mais moins complet que le village sénégalais. Donc, vous voyez, quand on détaille un peu tout ce qu'il y avait dans cette exposition, on trouve finalement pas mal de choses et qui ont donc, on le sait, beaucoup, beaucoup attiré les spectateurs. La consommation de chocolat, de café, etc., dans les différents stands. Il y avait aussi du café brésilien. Didier a parlé de la polenta italienne, mais. Qu'on retrouve ensuite au Brésil avec l'immigration italienne. Il y avait aussi le stand de la marque qui a dû disparaître, un Campina, avec un très très beau drapeau du Brésil. Il y a une photographie dans le livre que je vous ai montré tout à l'heure, publié en 2008, donc je n'ai pas voulu la remettre ici. Et puis d'autres stands autour de produits exotiques. Mais je pense que les exemples que je vous ai donnés suffisent à illustrer mon propos. Et ensuite, dans la presse, pour les gens qui n'ont pas forcément assisté en dehors de Nancy, en France, par exemple, les Annales coloniales, vous voyez, à la fin de l'exposition, un grand article, c'est en première page, là vous me faites confiance, mais il y a le titre en fait, c'est la une des Annales coloniales du 7 octobre 1909, grand article qui détaille d'ailleurs pas seulement les productions coloniales, mais qui dit vraiment, c'est très très élogieux, parce que le bilan de l'exposition, je sais pas, je pense que François Roth est tout à fait d'accord avec moi, sur ces conclusions, cette exposition a eu beaucoup d'entrées, a eu beaucoup d'échos, et cet article-là de la presse parisienne, spécialisée dans les colonies, a été vraiment d'un ton très positif, un bilan très positif. Alors, pour conclure, cette exposition nancéienne ne fait en fait que s'inclure dans toute une série d'expositions en France et à l'étranger, mais en particulier en France, parfois spécialisées, puisque moi je parle de l'exotisme gastronomique, parfois spécialisées dans les colonies, la principale en province avant 1914 étant celle de Marseille. J'aime beaucoup cette affiche de l'artiste marseillais Delépiane. Vous voyez qu'il y avait bien des produits exotiques, même dans l'une des affiches, vous voyez ici au premier plan, à côté du cacatoès, du volatile, là, qui lui n'est pas consommable, enfin j'espère pour lui, mais les autres produits là, qui sont par terre le sont. Donc voilà, différentes vues, une assez grosse exposition. Bien entendu, il y en avait dans la capitale Paris, avec toujours cette attraction. Vous voyez, donc Nancy s'inscrit dans cette mode, on va dire, des musées vivants, des zoos humains, etc., où l'alimentation exotique est très importante. Vous voyez, moins connue celle-ci à Paris, en banlieue Nogent-sur-Marne. Vous voyez, les photographies que je vous ai montrées pour Nancy tout à l'heure, c'est tout à fait du même type de celle-ci qu'on retrouve à Paris ou à Nogent-sur-Marne. Celle de Lyon, vous voyez, en 1894. Je n'ai pas classé chronologiquement exprès. Voilà. Et puis après la guerre 14-18, ça continue. C'est presque l'âge d'or des colonies, l'entre-deux-guerres français, en tout cas l'âge d'or apparent, puisque des problèmes commencent à apparaître à l'intérieur de ces colonies, en tout cas au niveau du commerce et des marchandises, disons de l'importation de marchandises alimentaires exotiques, c'est disons le sommet de ce commerce, c'est les années 30, vous voyez celle de La Rochelle, donc les ports atlantiques bien entendu. Pas mal d'études, donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas seulement Nancy, celle de Strasbourg, après la guerre de 14-18, grande exposition coloniale, et puis celle de l'autre grande ville lorraine, Metz, en 1929, et bien entendu, la grande exposition coloniale de Paris en 1931, vous voyez par exemple où il y avait au palais de la OEF, qui est une reconstitution carrément, donc une architecture certes un petit peu en toc, en stuc, mais avec les terrasses du restaurant dans le style là. Alors, c'est peut-être moins somptueux à Nancy, mais enfin, les Nancéens ont eu une idée de ceci. Bon, je passe sur l'exposition de 1931, mais même si je reviens avant 14 et donc à la Belle Époque, à l'époque de l'exposition de Nancy, vous aviez dans les grandes expositions universelles, je pense surtout à celle de Paris en 1889 et ici celle de 1900, beaucoup, beaucoup de produits exotiques. Vous voyez ici les pavillons de thé de Ceylan dans une collection de cartes postales à l'exposition parisienne de 1900. Et même les Parisiens, de manière permanente presque, au jardin zoologique d'acclimatation, vous savez qu'il existe toujours, mais qui a moins d'importance qu'à cette époque-là, donc au Bois de Boulogne, pouvait avoir également ce genre de choses. Et tout ceci est de mieux en mieux étudié. C'est un livre qui vient de sortir, c'est en anglais, hein, il n'y a pas de version française. C'est un colloque qui a eu lieu à Bruxelles il y a 2 ans sur les expositions, le rapport entre la nourriture et les expositions universelles, on va dire les grandes expositions. Mais à la limite, Nancy est tout à fait dans ce genre de... s'intègre, même s'il n'avait pas peut-être... si, il y avait quand même une dimension internationale, hein, puisque l'Allemagne... Oui, l'Allemagne était, l'Allemagne, les pays limitrophes, la Belgique était aussi invitée, l'Angleterre encore de manière plus évidente, et puis beaucoup de pays avec les journalistes. Nancy donc essaye, par cette exposition de 1909, non seulement de promouvoir ses productions locales, industrielles, quand je dis locales, ça peut être des choses qui vont très très loin ensuite à l'exportation, bien sûr, hein, industrielles, alimentaires, etc., etc. Parmi ces productions, d'ailleurs, certaines alimentaires s'en vont très très très loin, hein, de Lorraine. Et dans l'autre sens, Nancy, donc, la Lorraine, les provinces de l'Est, importent énormément de produits, enfin de plus en plus, de produits exotiques, tropicaux, mais bon, pas seulement tropicaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en tout cas qui viennent de l'étranger. Avec, si vous voulez, une promotion qu'il est évidemment difficile d'estimer combien exactement, je ne sais pas moi, de tablettes de chocolat, l'exposition de Nancy, une fois qu'elle a été fermée, combien de tablettes de chocolat ont pu être achetées grâce à l'exposition, c'est évidemment impossible à quantifier. Voilà, c'est sur sans doute une longue durée, mais il y a une première expérience ou une diversification de l'expérience d'une nourriture autre, hein, et donc vraiment cette exposition de Nancy, on voit bien qui est régionale, hein, le Grand Est, pas au sens d'aujourd'hui, mais donc au sens des départements qui avaient été réunis officiellement pour l'exposition de 1909, ce Grand Est est vraiment intégré dans des courants d'échange économique, bien sûr, mais aussi culturel, puisque j'en reparlerai tout à l'heure dans les conclusions, mais on l'a déjà dit beaucoup depuis hier matin, l'alimentation, c'est vraiment de la culture, donc ces échanges économiques et culturels, internationaux et intercontinentaux. Je vous remercie beaucoup. Merci.